De ta tige détachée, pauvre feuille desséchée, où vas-tu? Je n'en sais rien. L'orage a frappé le chêne qui seul était mon soutien. De son inconstante haleine, le zéphyr ou l'aquilon, depuis ce jour me promène de la forêt à la plaine, de la montagne au vallon. Je vais où le vent me mène, sans me plaindre ou m'effrayer. Je vais où va toute chose, où va la feuille de rose et la feuille de laurier. On danse au pied de la colline, on ne sait rien. Le ruisseau court, la fleur s'incline, l'aurore revient. On chantonne le long des branches, on ne sait rien. L'air est rose, les roses blanches, et l'amour vient. On soupire autour des broussailles, on ne sait rien. Quoi? Des baisers, des fiançailles? La douleur vient, et l'on songe au pied de la vie qu'on ne sait rien. Le jour meurt, la plaine est franchie, et la nuit vient. Comme un vol de gerfaux hors du charnier natal, fatigués de porter leur misère hautaine, de palos de moguer, routiers et capitaines, partaient, ivres d'un rêve héroïque et brutal. Ils allaient conquérir le fabuleux métal que Cipango mûrit dans ses mines lointaines. Et les vents alizés inclinaient leurs antennes au bord mystérieux du monde occidental. Chaque soir, espérant des lendemains épiques, l'azur phosphorescent de la mer des tropiques enchantait leur sommeil d'un mirage doré. Où, penchés à l'avant de blanches caravelles, ils regardaient monter en un ciel ignoré, du fond de l'océan, des étoiles nouvelles. 1000 sirènes sur la Seine échangeaient leurs appels stridents, que mon cœur hélas a de peine chaque fois que je les entends. Nageant de l'une à l'autre rive, elles s'ébattaient sur les flots. Et je pensais aux matelots qui, de l'avant de leur vaisseau, se voyaient pris par la dérive avant de périr sous les eaux. Comme eux, penchés sur l'eau profonde, je m'en allais le long des quais, et mes amours que j'évoquais, brunes, châtaines, rousses, blondes, étaient autant d'amours manqués. Et dans la brume confondue, je vous cherchais le cœur battant, belles sirènes entendues, belles sirènes disparues, belles amours de mes 20 ans. Qui donc êtes-vous, la belle? Comment vous appelez-vous? Une vierge était chez nous, ses yeux étaient ses bijoux. Je suis la vierge, dit-elle, cueillez la branche de houx. Vous êtes en blanc, la belle, comment vous appelez-vous? En gardant les grands bœufs roux, Claude lui fit les yeux doux. Je suis la fille, dit-elle, cueillez la branche de houx. Vous portez des fleurs, la belle, comment vous appelez-vous? Les vents et les cœurs sont fous, un baiser les fit époux. Je suis l'amante, dit-elle, cueillez la branche de houx. Vous avez pleuré, la belle, comment vous appelez-vous? Elle eut un fils, prions tous. Dieu l'a pris sur ses genoux. Je suis la mère, dit-elle, cueillez la branche de houx. Vous êtes pâle, la belle, comment vous appelez-vous? Elle s'enfuit dans les trous, sinistre, avec les hiboux. Je suis la folle, dit-elle, cueillez la branche de houx. Vous avez bien froid, la belle. Comment vous appelez-vous?